إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه في سركم وعلانيتكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته ووصية السلف الصالح فيما بينهم والتقوى شأنها عظيم ومقامها رفيع وعواقبها حميدة والعاقبة للمتقين دائما وأبدا في الدنيا والآخرة عباد الله إننا نعيش نعمة عظيمة ومنة جليلة أن بلغنا ربنا جل وعلا شهر الصيام شهر الخيرات شهر العطايا والهبات بلغنا هذا الشهر الكريم فنسأله جل وعلا الذي أكرمنا ببلوغه أن يتمه علينا بالمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه من الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا فيه جميعا من عتقائه من النار إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل عباد الله إن الواجب على من أكرمه الله جل وعلا بالصيام ووفقه لبلوغ هذا الشهر العظيم أن يعنى عناية عظيمة بحفظ صيامه نعم أيها المؤمنون عناية عظيمة بحفظ الصيام لأن من الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنه لا يصوم عن الآثام والمحرمات فلا يكون بذلك موفقا لحفظ الصيام فوجب على كل صائم عباد الله أن يتعاهد صيامه وأن يعنى به عناية عظيمة حفاظا له من منقصات أجره ومذهبات ثوابه ومبطلات تحصيل خيراته وبركاته وفي الباب عباد الله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نرعيها اهتمامنا وأن نعنى بفهمها وتحقيقها وتطبيقها حفظا لصيامنا روى الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جاهل عليه أحد فليقل إني صائم. روى الإمام أحمد في كتابه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني بشيء قليل، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عباد الله، ومن يتأمل هذه الأحاديث العظيمة ونظائرها مما ورد في هذا الباب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع قلبه خوفا من أن يضيع صيامه وأن يضيع قيامه وأن تضيع طاعته. عباد الله، ومن يطالع حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يطالع حالا عجيبة في حفظهم لصيامهم وعنايتهم به وتواصيهم على حفظ الصيام ورعايته والعناية به والآثار في هذا الباب كثيرة. عن جابر رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، فليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طريق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقال عمر رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال ميمون ابن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وعن مجاهد رحمه الله قال خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبة والكذب. وعن أبي العالية رحمه الله قال الصائم في عبادة ما لم يغتب ما لم يغتب. والآثار والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة. ألا فليتق الله عباد الله، ولنتق الله جل وعلا في صيامنا، ولنتعاهده بالحفظ متقين الله ربنا، طالبين أجره وثوابه وعونه ومده وتوفيقه، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سيبتاد الله كي الله إساشيك الله سبحانه وتعالى vous surveille lorsque vous êtes seul et lorsque vous êtes en public. Et donc craignez-le de la manière d'une personne qui reste conscient à chaque instant que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend et le voit. Et la crainte d'Allah, c'est le conseil que Allah a donné au premier et au dernier de ses créatures. Et il dit dans le Coran ce qui signifie « Nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous et à vous-même de craindre Allah, d'avoir la piété. » Et c'est le conseil de tous les prophètes à leur nation. Et c'est le conseil des pieux prédécesseurs pour ceux qui sont venus à leur époque et ceux qui sont venus après. Donc, taqwa, c'est quelque chose de grand. Et c'est de prendre en soi-même et entre le châtiment d'Allah une protection. Et les résultats et les conclusions de la piété sont grandes et sont bénéfiques. Et elle dure dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Serviteur d'Allah, nous vivons une grande grâce de la part d'Allah et une grande faveur qui nous a fait atteindre ce mois de Ramadan. Et on vient de compléter presque les 10 derniers jours de ce mois. C'est un mois de dons, un mois de bénédiction, un noble mois. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parvenir au mois de Ramadan cette année, de faire en sorte qu'il nous complète notre foi et qu'il fasse en sorte que notre jeûne soit bien et soit bon et soit accepté et soit rempli de bénédiction et d'adoration et de foi. Et qu'il fasse qu'on jeûne avec foi et avec espoir en sa récompense au jour de la résurrection. Et qu'il fasse de nous tous des gens qui ont été libérés et délivrés de l'enfer. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations. Serviteur d'Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de jeûner ce mois. Et chaque croyant doit donner à ce mois une grande importance et préserver son jeûne pour que son jeûne soit valable et soit bon. Et donc, il faut s'écarter de tout ce qui peut annuler notre jeûne, comme nourriture, comme breuvage ou choses qu'on peut boire, parmi les choses qui annulent le jeûne. Et il faut également s'écarter et préserver notre jeûne de ce qui peut venir l'annuler ou diminuer sa valeur et sa récompense. Parce que le jeûne, ce n'est pas uniquement de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi également de s'abstenir de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Approchez-vous un peu. Parce qu'il y a des frères qui rentrent en arrière et ne trouvent pas d'espace pour faire les rak'atayn. Naam, serviteur d'Allah, les hadiths à ce sujet sont nombreux. Et pour vous mentionner quelques-uns de ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, que celui qui ne délaisse pas la parole mensongère, de même que l'action qui est en contradiction avec la religion, de même que l'ignorance et l'insouciance, eh bien Allah n'a aucun besoin qu'il se prive de nourriture et de boire s'il n'abandonne pas les mauvaises actions et les mauvaises paroles et l'ignorance. Il a été rapporté également, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que lorsque c'est le jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne dise pas de mauvaises paroles et qu'il n'agisse pas de façon ignorante. Et si quelqu'un agit avec lui de façon ignorante, c'est-à-dire qui le provoque ou qui essaie de le faire rentrer dans des disputes ou même de se battre avec lui, qu'il dise « Non, je jeûne ». Également, il a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, qu'il a dit « Il se peut qu'une personne jeûne pendant sa journée, mais qu'il ne gagne rien d'autre que la faim et la soif. » C'est-à-dire qu'il n'a pas de récompense autre que la faim et la soif. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas préservé ses actions et ses paroles. De même que quelqu'un, c'est possible qu'il prie, mais qu'il ne gagne rien d'autre de sa prière la nuit que le fait de rester réveillé. Parce qu'il a annulé la valeur de ses œuvres par toutes sortes de péchés qu'il a fait. Il a été également rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une femme qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Et en plus elle fait des bonnes œuvres et elle donne en aumône beaucoup d'argent, mais elle fait du tort à sa voisine et à ses voisins avec sa langue, c'est-à-dire elle parle en mal avec ses voisins, de ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a rien de bon en elle, elle sera parmi les gens de l'enfer ». Et on a donné l'exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une femme qui prie les prières obligatoires et qui donne un peu de sadaqa, mais elle ne fait de tort à personne. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle sera parmi les gens du paradis ». Il a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih que selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous qui est Al-Muflis ?» Al-Muflis, c'est-à-dire celui qui a fait faillite. Et ils ont dit « Oh, messager d'Allah, chez nous ou pour nous, celui qui est Muflis, c'est celui qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de biens. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Muflis, c'est celui de ma Ummah qui va venir au jour de la résurrection avec des prières, des salats, des jeûnes, des zakat. Mais il a insulté un tel et il a accusé un tel et il a mangé les biens d'un tel injustement et il a fait couler le sang d'un tel ou il a frappé un tel. Et donc, il va donner de ses hasanat. Les gens vont venir se servir dans sa balance. Ils vont prendre ses bonnes œuvres pour compenser et pour payer les péchés qu'ils leur ont faits. Et donc ils vont prendre ses hasanat jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune hasanat. Et quand il ne lui restera plus de hasanat, les gens vont prendre leur péché et vont le mettre dans sa balance pour compenser. Donc ils vont vider leur péché dans sa balance de péché. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il aura réglé tous les comptes qu'il avait à régler avec les gens, et ensuite, il sera jeté en enfer. Et donc, ça c'est pour montrer, dans ces hadiths-là, il faut réfléchir que le jeûne, c'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais également de s'écarter de tout ce qui est haram, et de s'écarter de tout ce qui est mauvais comme parole et comme action. Mais malheureusement, Allahu Musta'an, on retrouve beaucoup de musulmans qui, pendant le ramadan, ils en profitent pour faire plein de péchés. Allahu Musta'an. Et certains même organisent des fêtes pendant le ramadan. Et ils font ce qu'ils appellent les nuits du ramadan. Et ils regardent des émissions à la télé avec de la musique, des chansons, et des femmes et toutes sortes de choses haram pendant le ramadan. Et donc ça, c'est des choses qui viennent diminuer la valeur de ton jeûne lorsque tu fais ce genre de choses-là pendant le Ramadan. Et même parfois, ça peut annuler la valeur de des récompenses de ton jeûne. Et donc, il faut, en particulier dans le Ramadan, faire des efforts pour s'écarter de tout ce qui est interdit par Allah et de tout ce qui est mauvais. Et ça, c'est pas seulement, bien entendu, pour le Ramadan, c'est pour toute l'année, puisque ce qui est haram, c'est haram dans le Ramadan et c'est haram toute l'année. Mais pendant le Ramadan, c'est encore plus grave. Il est rapporté également de plusieurs d'entre les salafs que pendant le Ramadan, ils avaient un comportement différent du restant de l'année. Et donc, c'est rapporté par exemple selon Jabir, qui a dit, lorsque tu jeûnes, c'est pas seulement tu jeûnes de manger et de boire, mais même tes oreilles doivent jeûner, tes yeux doivent jeûner, ta langue doit jeûner de dire des mensonges, de faire des péchés. Et tu ne dois pas donc faire du tort à celui qui est avec toi ou qui travaille pour toi et lui dire des paroles mauvaises. Et également, tu dois rester calme et tu dois rester posé pendant le Ramadan, pendant ton jour de jeûne. Et tu ne dois pas faire en sorte que ton jour de jeûne et le jour où tu manges et tu bois en dehors du Ramadan, ces deux jours-là ne doivent pas être égaux. Ils ne doivent pas être pareils. Ton jour de Ramadan ne doit pas être comme ton jour le restant de l'année, doit être différent. Abu Dharr, radiallahu anhu, il disait, lorsque tu jeûnes, préserve ton jeûne le plus possible. Lorsque certains d'entre eux, yani les salafs, lorsqu'ils jeûnaient, ils préservaient leur jeûne et ils ne sortaient pas de la maison juste pour la salat. Sinon, ils restaient à la maison, ils évitaient de sortir dans des endroits où il pourrait y avoir des choses qui sont haram. De même que c'est rapporté que Abu Huraira et ses compagnons, lorsqu'ils faisaient le jeûne, ils restaient assis dans la mosquée. Ils lisaient le Coran. Ils faisaient des actes d'adoration. Omar, radiallahu anhu, il a dit, le fait de jeûner, c'est pas seulement de cesser de manger et de boire, mais c'est de jeûner également du mensonge, de la fausseté et des divertissements. Et Maymoun ibn Mihran, il a dit, ce qui est le plus facile dans le jeûne, c'est de cesser de manger et de boire. En voulant dire que le plus difficile, c'est pas de cesser de manger et de boire, mais c'est de s'abstenir de faire les péchés et les désobéissances à Allah. Il est rapporté également selon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'il a dit, certes, le jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est de cesser de mentir, de dire des choses fausses et de rester dans le divertissement et les faussetés. Et c'est rapporté également, selon Mujahid, un des tabi'in, un des élèves des Sahaba, il a dit, il y a deux caractéristiques, celui qui se préserve de ces deux caractéristiques, son jeûne sera préservé. Et il a dit, c'est al-riba wal-kadib, c'est-à-dire le fait de parler dans le dos des gens, de faire de la médisance et de mentir. Donc de mentir et de faire de la médisance. Si tu t'abstiens de ça, ton jeûne sera préservé. Approchez-vous encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'entrée. Surtout ceux qui sont en arrière, essayez de vous rapprocher pour faire un peu d'espace pour vos frères. Et également, il est dit selon Abu al-Aliya, il a dit, le jeûneur, il est en adoration. Tant qu'il ne parle pas dans le dos des gens et qu'il ne fait pas de médisance. Et donc, les textes à ce sujet-là sont très nombreux. Et donc, il faut faire des efforts pour que notre jeûne soit préservé de tout ce qui pourrait le déranger, le diminuer et faire diminuer sa récompense. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui on demande sa récompense et son aide et son succès. Et le succès est entre sa main à lui seul. Et donc on lui demande de préserver notre jeûne à nous tous et de nous aider à rester en prière durant ces nuits et de faire les actes d'obéissance qu'il nous ordonne de faire pendant ce mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم عباد الله علينا أن نغتنم المواسم الفاضلة والأوقات الكريمة خير اغتنام ولنحرص في لحظاتها المباركة وساعاتها الشريفة أن تكون كل لحظة منها مرتقا لنا وسلما لنيل رضا الله تبارك وتعالى والفوز بثوابه والنجاة من عقابه، ولا سيما أننا نعيش خير الشهور وأعظمها وأجلها وأفضلها، فلنحرص عباد الله على اغتنام أيامه الفاضلة ولياليه المباركة في طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بما فيه نيل رضاه ولنحرص عباد الله على البعد عن الآثام وعن كل أمر يسخط الملك العلام في ليل شهر الصيام أو نهاره، ونراقب الله جل وعلا في أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. سيدي هذا الله خير الله et profiter de ces occasions bénies et de ces temps méritoires dans lesquels les heures sont rempli de bonnes récompenses pour nous. Et nous devons donc faire des efforts pendant ces moments, pendant ces moments bénis, pour essayer d'obtenir l'agrément d'Allah. Parce que le Ramadan passe très rapidement. Et dans quelques jours, vous allez voir, il va s'en aller, et certains d'entre nous, on va regretter. On va dire, si seulement j'avais profité. Et donc, on vient de compléter les 10 premiers jours, ou après, presque, on n'a pas encore fait 10 jours encore. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait des efforts pendant le début du Ramadan, et qui ont eu des manquements ou des faiblesses, eh bien, il reste encore du temps pour vous rattraper, de profiter du restant, des jours qui restent, pour essayer de faire le tarawih, les prières la nuit, la récitation du Coran, et de le lire au complet si c'est possible, et également de s'écarter de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ces jours durant ce mois béni, et on doit faire des efforts pour en profiter le plus possible et de rester dans l'obéissance d'Allah et dans le rapprochement d'Allah pour obtenir son agrément et pour s'écarter des péchés qui attirent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rester conscient du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et qu'il nous regarde et qu'il nous observe et qu'il sait ce que se cache dans nos cœurs, ce qui se cache dans nos cœurs. Nasallallah jalla wa ala an yuwaffiqana ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأضل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأعنا على قيام رمضان وصيامه، إنك ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين.